Chapitre 5. La croisade du chevalier. Le respect se perd, Jenkins, déclara le chef constable Jonathan Smith à son sergent, qui, raide et immobile, se tenait devant lui. Notre époque périra du manque de respect. Oui, sir, répondit avec déférence Jenkins. Le respect est la base de la société. Sans respect, il n'y a pas d'hiérarchie. Et sans hiérarchie, il n'y a pas d'ordre. Oui, sir, dit Jenkins. Si le respect de la noblesse existait encore, les gens ne se permettraient pas de parler si haut des dettes que Sir Patrick Hornby a contractées durant ces derniers mois, comme si la fortune immense de Lady Gwendoline ne lui permettait pas de faire taire les créanciers dès qu'elle le voudra. Mais voilà, notre époque ne croit qu'aux faits. Elle ne croit plus en la supériorité morale. Oui, sir. Si le respect de la police était ce qu'il doit être, l'opinion publique ne nous reprocherait pas d'être trop lent dans l'exercice de nos fonctions. Nous révélerons les traces des malfaiteurs au moment où nous le jugerons utile. L'opinion publique. Et d'abord, qu'est-ce que l'opinion publique ? Jenkins garda le silence. Qu'est-ce que l'opinion publique, Jenkins ? Le sergent ouvrit la bouche. Silence, Jenkins. Je ne vous demande pas votre avis. Toute opinion, y compris l'opinion publique, est un manque de respect. Oui, sir. La mission de la police à Guildford est de sauvegarder non seulement la vie et les biens des citoyens, mais encore leur patrimoine moral. Qu'y a-t-il, Anderson ? Miss Esther Bell désire vous parler, sir. Faites entrer. Vous m'attendrez en bas, Jenkins. Oui, sir. Jonathan Smith salua solennellement Miss Esther Bell, qu'il révérait plus qu'aucune autre habitante de Guildford. « À quelle heureuse circonstance, madame, dois-je l'honneur de votre visite ?»« La circonstance, hélas, est loin d'être heureuse. » Et Miss Esther Bell leva au ciel les plumes d'autruche qui ornaient abondamment son chapeau. Jonathan Smith contemplait avec inquiétude la célèbre autoresse. Depuis qu'il avait le privilège de la connaître, il n'avait jamais vu sa perruque noire glisser aussi dangereusement de côté, dévoilant, sous les plumes d'autruche, quelques maigres mèches d'un gris jaune, ni ses traits pieux exprimaient une énergie aussi farouche. « À votre émotion, madame, je crois deviner qu'il s'agit d'une chose grave. Un nouvel enlèvement ?» Les plumes d'autruche s'abaissèrent affirmativement. « Oui, mais pas celui que vous croyez. Un enlèvement matériel n'a qu'une importance passagère. Le corps seul disparaît. La vraie tragédie, c'est un enlèvement moral. Ai-je raison de supposer qu'on a osé soustraire une âme égarée à votre influence bienfaisante ? Mais qui ? Vous me le demandez, Jonathan. » Les plumes d'autruche oscillèrent. Jonathan, deux femmes vous ont vu naître. Sarah Smith, la sœur de votre père, et moi. Il n'a été donné à aucune de nous deux de veiller sur le berceau de nos propres fils. Le ciel m'a confié une autre tâche, l'enfantement moral. Pendant 43 ans, Sarah Smith a encouragé mes efforts et copié de sa propre main les manuscrits de mes œuvres, ces œuvres que la revue Le Foyer de la Femme Anglaise me fait l'honneur d'appeler la Bible de notre génération féminine. Sarah a été ma compagne, ma confidente, ma secrétaire, jusqu'au moment fatal où, il y a 2 ans, elle est devenue la proie d'une maladie nerveuse. Après son séjour dans un sanatorium de la Suisse, en compagnie de votre jeune épouse, nous espérions tous en sa guérison. Mais elle a jugé utile de quitter sa ville natale et ses vieux amis, sans le moindre adieu, sans la moindre explication, et de s'établir à Londres sous prétexte de se trouver plus près de son grand médecin. S'il est si grand, ce mystérieux médecin, pourquoi ne la guérit-il pas ? Pourquoi a-t-elle fini par perdre presque entièrement la vue, par ne plus marcher, ne plus parler, ne plus sortir, ne plus voir personne ? Il est encore heureux qu'elle ait conservé un lien avec vous et votre femme, le seul qui la rattache à Guildford, à sa parenté, à notre passé commun. Mais combien de temps encore notre chère petite May se dévouera-t-elle pour soigner une pauvre femme qui perd la raison sur ses vieux jours? La parenté, répondit Jonathan Smith, est un lien indestructible. Nous devons nos soins et notre respect à nos proches âgés et infirmes. Jonathan, dit solennellement Miss Bell, dans son état d'esprit actuel, en dépit de tous les soins de May, Sarah est capable de vous déshériter. Jonathan Smith se raidit. Impossible, madame. Son testament est réglé. Elle le déréglera. Je vous dis qu'elle est capable de tout. La preuve, la voix et les plumes d'autruche tremblèrent. La preuve, c'est qu'elle m'a mise à la porte. Le chef constable se rejeta en arrière. Ses lorgnons faillirent en tomber. Lasse de la voir uniquement aux grandes fêtes, dans une chambre obscure, étendue sur son lit, et de n'échanger avec elle que quelques mots, j'ai décidé d'aller la visiter sans la prévenir, pour essayer de réveiller sa vitalité. J'avais apporté pour elle une surprise, le fruit de mes 2 dernières années de labeur. La croisade du chevalier, dit respectueusement Jonathan Smith. Ma femme a pleuré d'émotion sur les derniers chapitres. Miss Bell, satisfaite, hocha la tête. Oui, May est une jeune femme accomplie, que j'ai contribué à former. Si nous pouvions dire cela, soupira le chef constable, de mon pauvre frère cadet James, au lieu de suivre la voie tracée par vous, il s'égare dans un genre de littérature que notre époque apprécie, dit amèrement la vieille autoresse, l'aventure au lieu du sentiment. Cependant, madame, vous ne pouvez pas vous plaindre. Toute une couche de la population se nourrit uniquement de vos œuvres. La croisade du chevalier. Eh bien, la croisade du chevalier m'a valu d'être chassée de chez Sarah. J'ai sonné à sa porte. La bonne m'a ouvert. Une nouvelle bonne, au lieu de la pauvre vieille Florence qui l'avait servie durant 36 ans. Écartant cette créature mercenaire qui voulait me barrer la route, je suis entrée droit dans la chambre à coucher de mon amie d'enfance, en disant. Sarah Smith, le ciel m'envoie te guérir et je t'apporte la croisade du chevalier. Et Sarah, les plumes d'autruche balayèrent l'espace, a dit à sa bonne. Mets-la à la porte avec son chevalier. Miss Esther Bell se leva. Jonathan Smith, visiblement bouleversé, rajusta son lorgnon. Mon avis, termina Miss Bell, est que vous, son unique parent, avez le devoir de vous assurer de sa raison. Je vous préviens qu'aujourd'hui même, je retournerai à Queen's Road. La voix de cette infortunée Sarah n'est plus la même. Son aspect est changé, comme sa mentalité. Elle doit être victime de quelque charlatan médical. Ma fierté m'interdit de retourner à l'endroit d'où j'ai été chassée. Mais j'ai, comme le chevalier, ma croisade à accomplir. Quelques heures plus tard, alarmée par les instances du chef constable, qui estimait que son épouse seule était capable de réconcilier les deux anciennes amies, May Smith, installée dans un compartiment de 2e classe, roulait vers Londres. Elle tenait sur ses genoux la croisade du chevalier, volume de 450 pages, pullulant de citations pieuses, entremêlées de baisers, d'une ardeur et d'une longueur surhumaines, comme seuls savent en imaginer les très jeunes et les très vieilles filles. Le front appuyé contre la vitre, elle laissait errer son regard sur le paysage déjà printanier. Mais de la brume bleuâtre n'émergeait aucun chevalier. May Smith, avec un soupir, rouvrit le volume. Le jeune instituteur, désespérant de sa longue croisade vers ce cœur martyrisé, emporté malgré lui par le vent brûlant de la passion coupable, mais, brusquement, laissa tomber sa tête blonde sur les pages. Le trajet habituel entre le petit cottage paisible des Smiths et l'appartement de Queen's Road à Kensington fut vite accompli. Mais lorsque May sonna à la porte, comme elle le faisait au moins une fois par semaine, pour aller prendre des nouvelles de la vieille infirme qui ne supportait auprès d'elle que sa douce nièce, personne ne vint lui ouvrir. Elle n'entendit aucun bruit de pas. La bonne devait être sortie. Inquiète, Mais Smith sonna une seconde fois. Le silence se prolongea. Après une brève hésitation, elle sortit de son sac à main la clé que lui avait confiée sa tante et ouvrit. Dans le vestibule désert, un instant, elle crut que la maison était vide. Soudain, une voix d'homme retentit. « Haut les mains !» Mais Smith se précipita vers la porte du salon, poussa le bâton de toutes ses forces et s'arrêta, pétrifié, sur le seuil. Miss Sarah Smith, debout, la main levée, braquait un revolver sur Miss Esther Bell.